Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Duo. En ouverture, Poison avec cet album live enregistré sur la tournée de Native Tongue, ça s'appelle 7 Days Live, enregistré en compagnie du guitariste Richie Kotzen, qu'on voit maintenant en compagnie du guitariste Iron Maiden, Adrian Smith pour ce projet, Smith Kotzen, et bien entendu des Winery Dogs. On débute l'émission Overdrive, on devrait avoir de l'excellente, de bonne musique, comme à notre habitude, avec ce projet WET, W-E-T, WET, en fait, depuis 2009. Il s'agit d'un projet monté à l'initiative du label italien Frontiers Records, qui voit le chanteur Jeff Scott Soto s'allier du guitariste et claviériste Robert Saul Work pour le W et du guitariste Eric Matterson de Eclipse. Ils nous sortent ici leur nouvel album, toujours du big rock heavy mélodique, ça s'appelle Apex, et on en voit tout de suite le morceau What Are We Fighting For sur Overdrive. We are caught in the crossfire. We are caught. John Anderson, tout de suite sur le label Frontiers Records avec Your Move, I've Seen All Good People en live. Ce soir, dans Overdrive, j'ai la chance d'accueillir le groupe March of Scylla, qui nous joue une musique moderne, une musique métal, qui matine un petit peu différentes influences, notamment du post-hardcore, ou alors des tendances peut-être un petit peu plus progressives. Est-ce que tu m'entends bien ? Écoute, c'est parfait. Bah écoute, parfait, nous aussi on te reçoit très bien, donc est-ce que tu es déjà d'accord avec la définition qu'on a donnée de ton groupe ? Franchement on pourrait en parler des heures. Alors le côté post à fond, c'est-à-dire post-metal, prog, post-prog en fait, presque post-prog-metal, voilà, pas mal. Après le progressif est une musique en constante évolution, donc c'est presque... un pléonasme que de dire post-progressif, puisque c'est une musique qui n'est pas stagnante, mais qui est censée, même si certains ne sont pas vraiment d'accord et voudraient réentendre l'album Images and Words, pour en choisir un, toujours de la même façon. Mais c'est une musique qui doit quand même évoluer malgré tout, et c'est ce que vous faites avec March of Scylla. Début mars, vous venez de sortir votre tout premier album, qui s'appelle Andromeda, qui est illustré par une magnifique pochette, donc on en reparlera là aussi. Alors, est-ce que tu pourrais avant tout présenter, si tu veux, la formation de votre groupe, puisqu'il s'agit là d'un premier album. Il me semble qu'il y avait déjà eu un EP, quelque chose comme ça auparavant. C'est ça, ouais. Mais ici, on a affaire à une première vraie sortie qui va illustrer votre discographie. Donc, est-ce que tu peux revenir sur la genèse de plutôt Andromeda, enfin plutôt March of Scylla? Alors, la genèse du groupe, on est formé à peu près depuis 2018-2019 sur Amiens, c'est-à-dire que c'est le moment des premières répètes. On est tous des musiciens assez anciens, assez aguerris du coin. Et comme tu dis, on a deux EP donc derrière l'album sur lesquels on s'est fait un petit peu les mains. Le premier EP qui s'appelle Archives, qui était déjà masterisé par Francis Cast, dans un style un peu plus metalcore, un peu plus classique, si j'ai envie de dire, c'est-à-dire un peu plus à la mode, quoi. Voilà, on retrouve un architecte, quelque chose comme ça. Et en fait, on a eu un changement de line-up à ce moment-là, donc juste après le confinement, et le style est devenu un peu plus prog, un peu plus noir, un peu plus un peu plus post-black même à certains moments, parce que c'était plus forcément la même personne qui apportait les idées. Et donc là, sur le premier album Andromeda, on est vraiment dans la suite de notre précédent EP qui s'appelle Dark Myth, qui reprenait un petit peu ces codes-là de post-metal un peu prog. Et justement, est-ce que tu penses que de nos jours, en 2025, on sait où tout va beaucoup, beaucoup trop vite, où les sorties s'enchaînent à un rythme effréné, est-ce que tu penses que c'est important justement de se faire un petit peu la main par des EP, par des sorties qui sont peut-être un peu plus régulières, plutôt que d'attendre un éventuel premier album parfait qui, s'il n'a pas vraiment d'auditeurs, parce que le groupe n'a pas... on va dire construire ouais. un petit peu de following, en tout cas n'a pas on va dire un auditoire assez connu, que ce soit par des concerts ou alors sur les plateformes tout simplement, et ben c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau, même si Ah non mais tout à fait, c'est bien sûr, mais c'est-à-dire qu'il y a même maintenant des groupes qui réfléchissent à ne plus sortir d'albums, enfin on en connaît plusieurs, où vraiment on est que sur du format EP, ou même des fois du format un titre qui sort, et puis un autre qui sort trois mois après, enfin c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout voilà de règles. Alors nous on est encore un petit peu à l'ancienne, et donc on a commencé, comme tu dis, par se faire des armes sur nos armes sur les deux premiers EP qui nous ont permis effectivement de sortir un peu, notamment avec le deuxième, et de développer un peu une fanbase, et d'avoir un petit peu l'attention qu'on a sur la sortie d'album, quoi, effectivement. Ouais, je pense que ça c'est important, et puis là tu soulèves un point important, c'est le fait de sortir uniquement plutôt des singles plutôt qu'un album. Alors je pense que le public metal, je pense que tu seras d'accord, est quand même toujours attaché un petit peu au format physique, et puis également au format album, surtout dans un style un petit peu progressif, dans lequel on arrive à développer peut-être une couleur d'album, une ambiance, sans parler de concept album. Alors peut-être que c'est le cas derrière Andromeda, tu nous en parleras un peu plus en détail. Néanmoins, je pense que c'est important qu'il y ait, on va dire, un instantané d'un groupe à un moment donné. C'est ce qu'est censé représenter un album complet. C'est ça, tout à fait. Alors on peut le faire aussi sur un EP finalement, parce que quand on a un EP qui fait dans le prog, on peut avoir des EP qui font 35 minutes, hein, donc 35-40 minutes, on est quasiment sur un mini-album. Donc je pense que ça peut fonctionner aussi, mais c'est vrai que pour Andromeda, on voulait vraiment aller au bout des choses, et tu l'as très bien dit, ce côté un peu concept-album, où ça raconte quelque chose du début à la fin, pendant 50 minutes, quoi. Et d'accord, donc est-ce que tu peux nous développer justement ce concept, ce qu'on a derrière justement cet album Andromeda? On a une pochette qui se veut... à la fois, on va dire, conceptuel, spatial et onirique, avec des tentacules autour d'une... Alors, on ne sait pas si c'est une sculpture un peu d'influence grecque. En tout cas, je pense que ça laisse passer l'imaginaire, et qu'il y a une idée qui se cache derrière tout ça. Oui, tout à fait. En fait, on reprend, alors on va voir la pochette, le visuel de notre EP précédent, où vraiment on représentait Scylla, c'est-à-dire la nymphe marine qui a été transformée en monstre par Circé. Et donc Scylla, elle évolue dans des cavernes, dans des grottes, etc. Et c'était un petit peu ce qu'on avait repris dans notre EP précédent. Et là, on voulait toujours un personnage central sur le visuel qui fasse un espèce de lien justement avec ce personnage mythologique, une espèce de divinité. Hein, c'est-à-dire qu'on l'a pas nommé, mais effectivement ce personnage sur la pochette, c'est une divinité, mais qui cette fois-ci sortait un petit peu des cavernes pour se tourner un petit peu vers le cosmos, quoi, parce que ce qu'on aborde justement dans cet album, notamment par plusieurs titres, mais le dernier en particulier, c'est la cosmogonie, c'est-à-dire la création d'un univers et des dieux qui vont avec. D'accord. Donc c'est un petit peu un acte de naissance, d'une certaine façon. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Et donc ça serait un personnage, une divinité, voilà, qui serait un petit peu tournée comme ça vers l'immensité de l'espace. Et elle regarde légèrement vers le bas, parce qu'elle regarde en fait aussi l'humanité, qui forcément se retrouve en dessous. Et on peut le rappeler, mais Andromède est bien sûr une constellation. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est à la fois un personnage mythologique, qui se fait sacrifier. Alors on aime bien les personnages féminins comme ça, et qu'il arrive un petit peu des aventures et qu'ils s'en sortent fort. Voilà, c'est un truc qui nous touche un peu dans le groupe. Et on trouvait ça intéressant que ça soit également la constellation la plus proche de notre système solaire. Ouais, tout à fait. D'accord. Et justement, est-ce que tout cet aspect un petit peu spatial, cet aspect peut-être même onirique, est-ce que vous le développez un petit peu également dans votre musique, de par peut-être une recherche sonore, une recherche sur des sons peut-être un peu plus éthérés ou même post par moment? Oui, complètement. Oui, bien sûr. Alors ça va se jouer énormément au niveau des arrangements, au niveau des claviers. On a quand même des claviers qui sont présents sur tous les morceaux, même si c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de mettre forcément extrêmement en avant. En fait, on s'en rend compte quand on les retire, c'est-à-dire qu'ils prennent quand même énormément de place hein, dans l'orchestration en général. On a des backing, on a beaucoup de voix, on a des backing voice. Alors voilà, des chœurs de différentes sortes, etc. Et tous ces arrangements servent justement ce côté un petit peu onirique, un petit peu spatial, un petit peu voilà, un petit peu ample, quoi. C'est-à-dire, comme tu dis, voilà, c'est un peu très éthéré, quoi. Ok. Et pour la production, j'imagine que tout ça est, on va dire, mis en son de manière très professionnelle par Francis Cast, qui est bien sûr connu pour ses nombreuses productions dans le milieu métal français. C'est ça, donc c'est la troisième fois qu'on travaille avec lui. Alors on n'était jamais allé aussi loin, c'est-à-dire que là il a vraiment fait tout le mixage, etc. Et donc comme c'est quand même un album de 50 minutes, il y avait un sacré travail, donc on y a passé plusieurs semaines. Et comme il disait lui-même, les gars, ce que vous faites, c'est, il faut faire de la couture. C'est-à-dire que l'orchestration est tellement riche, il y a tellement de choses que pour faire sonner une prod comme ça, il faut vraiment choisir ce qu'on a envie de mettre en avant, à quel moment, etc. Voilà. Donc il a fait de la couture. Et justement, comment est-ce que cette grosse richesse sonore arrive à se développer et à se mettre en son sur scène? Est-ce que c'est pas un petit peu difficile lorsqu'on a beaucoup justement d'orchestration et qu'en plus on joue une musique qui est assez dense et surtout basée sur quand même pas mal de sons qui sont graves, hein. Le bas du spectre est quand même particulièrement chargé. Ouais, alors c'est marrant parce que finalement sur le bas du spectre, on a vraiment aucun problème à rendre la même chose quasiment en live, hein, parce que on joue en 7 cordes, un cordé très bas, on a une basse qui est très très présente et puis un octaveur, etc., qui permet d'aller chercher des notes encore un peu plus basses, etc. Donc ça, on n'a pas trop de soucis. La difficulté, ça va être plutôt sur les orchestrations, sur certaines backing voice, etc., où là on passe évidemment par un sampler, parce que si on avait les moyens de recruter 4 musiciens supplémentaires, on trouverait ça absolument incroyable de travailler les arrangements sur scène directement avec des gens qui seraient capables de les jouer, mais évidemment à notre niveau c'est pas possible, donc on a un sampler hein, qui prend le relais pour les synthés et les ambiances sonores, ouais. Ok, alors je te propose de passer maintenant à un premier extrait de March of Scylla et de son premier album Andromédain avec The Royal Way. Alors cette voix royale, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose que l'on retrouve dans la mythologie ou alors plutôt dans les étoiles ou dans les deux? Ouais, plutôt. La voix royale, c'est la voix royale vers l'inconscient. C'est-à-dire c'est le rêve, hein. Donc on était dans, tout à l'heure tu parlais de monde un peu onirique, hein. Donc on est là-dedans, c'est-à-dire que la voie royale c'est le rêve et la voie royale de l'inconscient, c'est-à-dire que c'est la façon la plus simple d'y rentrer directement. Ok, voilà. Maintenant d'un point de vue musical, comment se situe ce morceau au sein de ce premier album d'Andromeda? Est-ce qu'il est représentatif pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas le groupe? Alors, il est tout à fait représentatif et c'est le premier morceau qu'on a écrit d'Andromeda, c'est-à-dire c'est le premier qui a été accouché. Voilà, on s'est dit tiens, allez, on se prépare pour l'album et c'est le premier morceau. Parce qu'il est assez équilibré, il y a un petit peu tous les ingrédients de March of Scylla. Il y a du chant clair, il y a des ambiances, il est assez groovy comme morceau, etc. Donc vraiment, c'est une bonne photographie de ce qu'on fait. Je pense pas trop mal. Ok, c'est parti tout de suite pour cet album March of Scylla et Andromeda avec le morceau The Royal Way. Yes, The Royal Way par March of Scylla, extrait de son premier album complet Andromeda. Ça vient de voir le jour sur la Clonosphère. Voilà une excellente production. On a du mal, on a peut-être du mal à mettre, si tu veux, un nom de groupe. Vraiment dire, ah bah tiens, ça sonne comme ça. Et je pense que, malgré tout, c'est quand même une bonne chose, puisque avoir un groupe qui ressemble trop à quelque chose d'autre, même si c'est, bah, c'est très bien. Là, on sent qu'il y a forcément des influences de ce que vous avez pu apprécier, développer un petit peu dans votre jeu de musicien. Mais tout a été, à mon sens, bien digéré. Et ouais, et ben écoute, effectivement, on nous le dit assez souvent, c'est difficile à catégoriser. Il y a des éléments d'un peu plein de choses. Effectivement, voilà, comme tu dis, qu'on aime bien, et des choses que qu'on avait envie de refaire. Mais c'est vrai que le mélange est assez atypique, ouais, complètement. Et je pense qu'il est aussi du fait des goûts de chacun. C'est-à-dire que on a commencé à faire de la musique sans trop savoir ensemble ce qui allait arriver, parce que on n'écoute pas forcément les mêmes choses, en fait. Ouais, ouais. Je pense que le fait d'avoir un plan, de se dire bon ben voilà, on va faire du Machine Head, on va faire du Machine Head et point à la ligne. Bah, au final, oui. Bon, bah, ce sera jamais aussi bien que Burn My Eyes, quoi. Exactement. Et voilà. Et alors que bon, bah, laissez faire un petit peu les choses, même si après il faut pas non plus se renier, ça sert à rien, puisque forcément on a tous un parcours musical, on a tous des influences, on a tous kiffé des choses et d'autres, et le fait de le cacher, c'est pas forcément une, ou de le renier, c'est pas forcément une bonne chose non plus. Mais voilà, là je pense que vous avez un peu choisi la bonne option comme ça pour ce March of Scylla. Est-ce que tu pourrais revenir maintenant sur la signature sur Clonosphère, qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de chroniques qui étaient sorties un petit peu à droite à gauche, et quels sont les retours justement pour l'instant, puisque ça fait maintenant 3 semaines que le disque est dans les bacs. Ouais, tout à fait. Alors la signature, je vais remonter, elle s'est faite il y a un an à peu près, hein, quand on était en train de démarcher justement pour un label, un petit peu par hasard, hein, c'est-à-dire que moi j'avais envie, enfin c'était un label qui me parlait, parce que déjà je suis fan de Clone, tout simplement, et puis je trouvais que vraiment il y avait quelque chose qui était bien fait chez tous ces groupes qui sortaient de ce label-là. Et je me suis dit, bah allez, on tente, hein, de toute façon c'est comme ça, on envoie les morceaux et puis on voit un petit peu ce qui se passe, est-ce qu'on a des retours, est-ce que voilà. Et puis Guillaume de Clone m'a répondu tout de suite, en fait, en disant bah ouais, franchement, pourquoi pas, ça peut le faire. Et puis une semaine après, on avait le contrat, quoi. Donc c'est incroyable. Enfin, nous on était évidemment ravis, parce que bah c'est quand même quelque chose un cap extrêmement important, hein, dans la vie d'un groupe, hein, quand on commence à être repéré par une structure sérieuse qui dit allez, je vous fais confiance les gars. Donc ça c'était vraiment incroyable. Et après, ce que ça nous apporte, c'est-à-dire qu'on est dans un autre monde, quoi. C'est-à-dire que comme tu disais juste avant, la relation média, etc. Donc ils font toute notre promotion, hein, Clonosphère. Et les chroniques, on est à, je sais pas, l'album est sorti il y a 3 semaines, on doit être à 25-30 chroniques en France, en Europe, etc. Et voilà, alors évidemment, faut se tenir un petit peu informé, faut être un petit peu suivre un petit peu ces médias, mais n'empêche que ça fait une énorme lumière sur le groupe, quoi. Oui, oui, oui. Et puis, vous avez également réalisé plusieurs vidéos, donc 2 clips complets, et ce qu'on appelle également une lyric vidéo, donc un morceau, une animation sur lequel les paroles défilent. Donc là aussi, c'est un moyen pour vous de mettre un petit peu en lumière votre univers visuel que vous avez déjà développé avec la pochette. Tout à fait. Donc le premier morceau qu'on a clippé, c'est Ulysses Lies, donc le premier morceau de l'album, qui raconte un peu les errances d'Ulysse, hein, justement, hein, donc cette espèce de théorie qui consiste à penser que il n'a pas forcément vécu toutes les aventures, que en fait il les a simplement racontées pour couvrir ses frasques. Il y a toute une théorie en fait qui dit que voilà, peut-être que en fait il n'a pas vécu tout ça, il les a juste racontés, et que c'était juste quelqu'un qui était absent de chez lui et qui était volage. Et je trouvais ça voilà, on a écrit sur ce morceau-là, ça parle du mensonge, en fait, du rapport à la réalité, le mensonge, et on voulait un clip qui soit dans des tons un petit peu ocre, un petit peu chaud, et qui soit impossible à situer dans une époque. Voilà, donc c'était un petit peu les complotistes de l'époque, du coup. Exactement, et donc un peu difficile à situer dans une époque, donc on a tourné ça dans des souterrains près de chez nous, et du coup avec tout à la lumière naturelle, à la bougie, à la flamme, et ça donne vraiment une teinte un peu jaune, ocre, qui est magnifique avec la pierre derrière, c'est super beau. Et puis ensuite, c'était le morceau Blast que vous avez fait. Alors Blast, c'était en lyrique vidéo, tout à fait. Donc avec une animation. Donc comme on est vraiment là cette fois-ci dans un univers très spatial, on s'est dit qu'en lyrique vidéo, avec une espèce de galaxie en mouvement derrière sur la lyrique vidéo, c'était ça collait parfaitement. Voilà. Et le troisième morceau, c'est Storm Dancer. Storm Dancer, cette fois-ci qui est en animé, en fait, en espèce de comic book animé. C'est-à-dire qu'on a un copain hein, qui réalise ça, dont c'est le métier d'ailleurs. Et cette fois-ci, on est vraiment sur un format un peu plus une base animée, type un peu manga. Et ça raconte une histoire, du morceau qui fait écho d'ailleurs un petit peu avec la réalité malheureusement là depuis quelques mois, qui est l'ascension d'un despote quoi. Et ce sera sur le morceau Storm Dancer, c'est ça? Oui, tout à fait, Storm Dancer. Ok, alors maintenant j'ai vu également que vous aviez signé pour une agence de booking. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait grâce à la signature un petit peu de Clonosphère à la sortie de ce premier album? Qu'est-ce qu'il en est des concerts pour March of Scylla? Eh bien, les concerts pour March of Scylla, on en a pour l'instant à peu près une quinzaine là sur 2025 qui sont calés. Il y en a qui sont encore en discussion, il y en a qui sont encore qui ne sont pas encore annoncés. Il y en a même beaucoup qui ne sont pas encore annoncés, hein, puisque tout ce qui se passe à l'automne, c'est pas forcément encore calé. Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait le Show de Metal Fest, qui est un gros festival chez nous, donc à côté d'Amiens. On a le Off du Hellfest, qui va arriver en juin, hein, qui devient de plus en plus gros cette année, donc on est vraiment ravis d'y jouer. Qu'est-ce qu'on fait? On fait Nantes, on fait quand même beaucoup de grosses villes, on fait Nantes, on fait Grenoble sur le mois de juin, on a un mois de juin qui est mai-juin qui sont très chargés, on se déplace quand même beaucoup. Et puis on a une belle date qui est déjà annoncée, c'est le Hot Fest, qui est un festival caritatif, dont une bonne partie des bénéfices est reversée pour des associations qui luttent contre l'autisme. Et c'est dans le Nord, l'a tête d'affiche n'est pas encore annoncée, mais on a déjà Black Bomb Air, j'ai pas forcément les autres noms, mais enfin en tout cas, voilà, un gros festival qui avait fait sold out l'année dernière, etc., donc ça se passe dans le Nord, là, pour le coup, mais vraiment, on est vraiment ravis d'y jouer cette année, ouais. Et d'un point de vue personnel, toi Florian qui est chanteur du groupe, ouais. quelles sont tes influences un petit peu vocales? On sent qu'il y a quand même des inflexions qui viennent peut-être d'autres chanteurs, mais on a un peu du mal à savoir qui, encore une fois. Tout à l'heure, en écoutant le morceau The Royal Way d'une oreille discrète, on aurait pu dire certains tics un petit peu vocaux d'un Rob Flynn ou de choses comme ça. Donc quelles sont tes influences un petit peu vocales? Ah, ben c'est très intéressant ce que tu dis, parce que évidemment on peut me le sortir assez facilement, ce qui est, je pense, normal, parce que comme tu dis, on s'en rend pas compte et on a tendance des fois à faire comme, parce que c'est quelque chose qui nous a tellement marqué à un moment de notre vie d'artiste que des fois on chope comme ça des petits trucs. Et alors Rob Flynn, pourquoi pas, moi mon influence principale, et c'est étonnant parce que c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le même univers musical, ça serait peut-être du côté de Chino Moreno, tu vois, de Deftones, voilà, en tout cas sur le chant clair, mais à la fois j'ai une grande affection pour le prog, et le prog justement des pays du Nord, etc. C'est ce que j'écoute quasiment le plus en fait. Des groupes comme Lepros ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça, Lepros, Opeth évidemment, un groupe qui s'appelle Acrust en ce moment là, qui est des Norvégiens qui sont super, ouais, donc c'est ça, voilà, j'aime vraiment beaucoup cette celle-là. Donc une musique assez éthérée hein, quand même. C'est ça, ouais, Catatonia, je suis un énorme fan de Catatonia. Voilà, toute cette scène un petit peu nordique. Et le prog anglais aussi, je suis assez fan du prog anglais. Donc est-ce que c'est pas une marque que des voix claires pourraient se faire un peu plus présentes par la suite dans votre musique? Ah bah, ouais, c'est-à-dire que là pour l'instant, elles le sont déjà de plus en plus. C'est-à-dire que si on écoute le premier EP, le deuxième EP, voilà, et l'album Andromeda, je pense que les voix claires sont de plus en plus présentes finalement. Alors il y a toujours, voilà, je pense que je suis à peu près à 50-50 là sur l'album. Voilà. Alors après, pour autant, j'ai pas envie d'abandonner le scream parce qu'il y a des passages où vraiment la musique elle est assez massive et oui, à ce moment-là, voilà. Un besoin du morceau également. Ouais, c'est ça. Et puis moi, c'est aussi une technique vocale que j'aime vraiment faire. Et puis c'est jouissif en live, etc. Enfin, ça apporte d'autres choses, quoi. C'est-à-dire que être que en voix claire, un peu haute, etc. C'est super, mais c'est une contrainte technique. Et puis voilà. Après, on passe dans une autre. Voilà, on est vraiment, comme tu parlais de Lepros, on passe vraiment dans un autre design sonore, quoi. Moi, j'ai quand même envie qu'on garde un côté un petit peu rugueux, un petit peu noir, quoi. Ouais, et puis je pense que ça fait quand même aussi partie de votre son, hein, votre son de guitare qui est quand même basé, qui est sur des gros riffs, une basse qui est présente, et puis des riffs qui sont foncièrement métal, ce que fait pas non plus peut-être différemment un groupe comme Lepros maintenant. Ouais, maintenant oui, c'est clair que maintenant c'est plus, ils se sont très vachement éloignés de ça. Ok. Et qu'est-ce qu'il en est pour la suite de March of Scylla? Est-ce que vous avez maintenant, depuis que l'album est sorti, alors je ne sais pas quand est-ce qu'il a été fini de réaliser en tant que tel. Il y a toujours quelques mois qui s'écoulent entre la production d'un album et sa sortie en bac. Hein. Est-ce que vous avez commencé à mettre un petit peu des idées de côté pour la suite ou alors est-ce que vous vous concentrez encore sur cet album pour le moment? Oui, c'est-à-dire que là, on a tellement, alors évidemment, on n'est pas professionnel, hein, donc on a tellement de de travail pour mener à bien hein, cette sortie, parce que c'est quand même voilà un beau projet. Enfin, on a la chance hein, d'avoir réussi à aller, on a été allé un petit peu à la chasse aux subventions, etc. On est accompagné par la SMAC de Damien, on est soutenu par le conseil régional, etc. On a quand même la chance en France d'avoir des dispositifs qui existent pour permettre justement à des groupes voilà de sortir un projet en tout cas de cette façon-là, et ça c'est super chouette, et donc ça demande un travail titanesque hein, de toute façon voilà, donc c'est vrai que là-dessus on est vraiment là-dedans encore, et puis là le but c'est vraiment de trouver le plus possible de concerts, de tourner le plus possible pour faire découvrir ça en live. Mais clairement, moi, ça commence déjà à me démanger là, effectivement, de réécrire un petit peu et de jouer un peu autre chose. Mais je me fais vraiment pas de soucis, parce que c'est vrai que déjà tout à l'heure on parlait des chroniques, avec le nombre de chroniques et le nombre de commentaires. Alors franchement, les chroniques, on a une chance incroyable. Elles sont élogieuses à 98%, quoi. Vraiment, il y a très très peu de gens. Alors il y en a qui apprécient moyennement pour des tas de raisons, parce que c'est pas forcément ça qui leur parle, mais en grande majorité, notamment sur les gros les gros journaux métal français, on a des super retours et des belles chroniques chez Metalian, chez Hard Force, etc. Et donc franchement, on est ravis. Et du coup, ça donne envie vraiment d'aller un peu plus loin dans le truc, quoi. Donc effectivement, pourquoi pas, tu vois, aller encore plus loin dans ce côté un peu ambiant, un peu prog, et encore plus loin dans le côté sombre et noir et violent, tu vois, vraiment explorer ces deux extrêmes-là, quoi. Et maintenant, une dernière question pour ce soir, avant d'embrayer sur le morceau suivant. Toi qui es chanteur, et toujours une question qui me taraude lorsque je parle à un vocaliste. Est-ce que tu penses que, si tu veux, l'image qu'on se fait souvent des chanteurs, c'est qu'il vient une fois que la musique un peu est terminée et il pose sa voix dessus. Mais je pense que pour de nombreuses formations, ça ne marche pas et c'est la voix qui dit bon ben voilà, j'ai une petite idée si tu veux de trame de musique, de petits riffs de guitare ou même ne serait-ce que d'accords avec justement une mélodie vocale qui est posée, des paroles et ensuite on va dire que les guitaristes, le reste du groupe vont utiliser tout leur talent pour magnifier tout ça, faire des bons riffs et créer un arrangement autour de tout ça. Est-ce que toi aussi tu vas mettre un petit peu les mains dans le cambouis pour justement proposer, on va dire, des idées musicales avant même la musique soit faite? Eh bien, ça dépend sur quoi. C'est-à-dire que sur vraiment sur les mélodies en tant que telles instrumentales, j'avoue que n'étant pas, alors si je suis instrumentiste, mais je suis batteur à côté, donc ça n'a pas grand intérêt pour aller travailler de ce côté-là. Et donc je suis assez dépendant de ce que fait mon guitariste. Mais pour le coup, je trouve qu'il a vraiment une oreille incroyable et qu'il est capable de me sortir des idées, des choses auxquelles je ne m'attendais absolument pas. Et je dis waouh, ça c'est génial. Voilà. Mais par contre, en termes d'arrangement, j'avoue que j'ai vraiment, pour le coup, mon mot à dire parce qu'il y a plein de passages où les gars ne pensaient absolument pas que j'allais faire ça. D'un gros riff, voilà, je vais faire un passage scream, nanana. Et puis, pas du tout. Là-dessus, je fais un truc complètement éthéré, complètement lunaire. Et des fois, ils disent, waouh, je m'attendais pas du tout à ça. Et finalement, ça marche. Et puis, voilà, et je trouve que c'est un petit peu ça aussi qui fait la richesse de Marciaccia. Hein. C'est vraiment que des fois... Il y a des passages auxquels on s'attend pas du tout et qui sont pas du tout convenus dans ce style de musique, quoi. Et donc, en général, j'aime à dire que j'y suis quand même un peu pour quelque chose, quoi. Ok, alors maintenant un deuxième morceau pour ce soir, Blast avec deux A. Pourquoi ce deuxième A pour le Blast? Parce qu'il est encore plus long. Exactement, il est encore plus long, il est encore plus prononcé, il y a un A majuscule parce qu'en fait c'est le blast qui te fait passer de la vie à l'après-vie. Voilà, c'est l'espèce de passage en fait, celui qui t'emmène un petit peu sur des routes inexplorées. Et on a vraiment conçu ce morceau comme un espèce de voyage un petit peu spatial de vers l'après-vie. En fait, tout simplement. Ok, en tout cas Florian, merci à toi, merci à toute ton équipe pour ce fantastique premier album qui sera suivi par de nombreuses autres livraisons par ce groupe qui nous vient du Nord. Ça s'appelle March of Scylla, ils nous sortent l'album Andromeda sur la clonosphère et ce sera le morceau Blast. En tout cas, on va envoyer la musique et merci à toi. Merci beaucoup. We'll be right back. venez d'entendre le groupe Honky Tex avec cet album The Sky, The Earth and All the In Between et le morceau Black Hole. Tout de suite sur Overdrive Radio Duo. On remercie encore une fois l'interview de cet excellent groupe March of Scylla. C'est vraiment excellent, donc jetez-vous tout simplement dessus. Il est temps maintenant de passer à une grosse sortie du mois de mars. Il s'agira du dernier album de Cradle of Filth qui, encore une fois, démontre toute la vitalité qui reste dans le berceau de la saleté avec ce Screaming of the Valkyries tout de suite qui vient de voir le jour sur Napalm Records. Danny et ses potes sont de retour, plus inspirés que jamais, et on s'envoie tout de suite le morceau Malignant Perfection, tout de suite par Cradle of Filth. Voilà le groupe Cradle of Filth avec ce Malignant Perfection extrait de leur dernier album en date, The Screaming of the Valkyries. Et on continue maintenant avec le groupe Destruction qui nous revient avec ce Birth of Malice qui est accompagné d'un documentaire sur le quatuor allemand mené par Schmier. Et on envoie tout de suite cet excellent dernier album de pur trash teutonique avec ce Scumbag Human Race tout de suite. With all my might, sweet promise faded out of sight. The dirty money, the shady deal, billions of dollars hidden steel. Spineless cunt, you're going straight to hell. Your corruption will never quell. Burn in hell for the lies you tell. The devil's waiting. Come back, you may raise a walking disgrace. Vous venez d'entendre Disharmonia Mundi, pour du, on va dire, death metal mélodique avec The Dormant Stranger, cet album, et le morceau Hope Breaker. On va quasiment terminer Overdrive maintenant avec Trolled qui nous sort cet album Scoven Ridge, et ce sera là du folk metal avec un titre en norvégien que je ne m'aventurerai pas à prononcer pour vous. Ce sera Trolled tout de suite sur Overdrive Radio Dio. Yeah. Voilà, Overdrive, c'est terminé pour ce soir. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur le 895 de Radio Dio. On rappelle le www.radiodio.org. On rappelle également le www.facebook.com/overdrive-radio-dio. Et on vous invite à jeter une oreille sur March of Sila et son premier album Andromeda, qui vaut vraiment le coup. On remercie encore une fois Florian pour l'interview. Ce soir, on se quitte au son de Poison et de cet album live qui ouvre la mission avec le morceau Stand. Ciao, bye bye. That's what's called.